Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Donc, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que du côté de la grosse nouvelle hier, c'était les débuts étincelants de Samuel Girard. Hier, les Prédateurs de Nashville ont gagné 6-5 contre les Flyers de Philadelphie. Samuel Girard de Roberval a amassé une passe et a terminé le match avec une fiche de -1 et a joué 18 minutes 52 secondes. Maintenant, parlons des Saguenay de Chicoutimi. Ils ont perdu 4-3 contre les Phoenix de Sherbrooke hier. C'est Olivier Galipeau qui a marqué un but et a amassé une passe. Il y a Kelly Climat qui a également marqué un but et une passe. Kevin Climat, son frère, a marqué un but. Nouvelle qui est passée récemment, mais qui est une nouvelle de mention. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau est devenu le champion québécois de la PGA dans un tournoi qui se tenait récemment à Bromont. Bédard a joué deux rondes de 63 et 69 pour se mériter 6 000 $ en bourse. Donc bravo à Pierre-Alexandre Bédard, qu'on devrait parler au cours des prochains jours pour faire le bilan de sa première année sur le circuit professionnel. On revient au hockey. Maintenant, parlons du côté de la Ligue du Lac au Fleuve. Hier, c'était la première chronique du MJR Express de Jonquière avec l'instructeur-chef Gino Gagnon. Et pour une première expérience, Gino Gagnon a apprécié son expérience de diriger la formation. On va écouter là-dessus Gino Gagnon, l'instructeur du MJR Express. Je suis vraiment surpris parce que je m'attendais pas. Dalbeau, j'ai fait le saut parce que j'ai trouvé qu'il y avait un bon club. Une équipe très rapide, axée sur le contrôle de la rondelle. Il a fallu s'ajuster. Ça n'a pas été un match facile. Ensuite de ça, les gardiens ont quand même fait des très bons arrêts. Ça a été bon. Écoute, j'ai été surpris aussi au niveau de l'assistance. Écoute, il y avait quand même 250 personnes, puis il y avait un match de la Ligue nord-américaine. Je m'attendais pas à grand monde, puis j'ai fait le saut de l'engouement des gens. Et Gino Gagnon a trouvé la forme intéressante des joueurs malgré tout. Ouais. Au niveau du fonctionnement physique, juste pour donner un exemple. Comme Dolpo, eux autres, ils avaient pratiqué, je pense, 3 ou 4 fois. Nous autres, on avait pratiqué une fois. Ensuite, on venait 3-1 après 2 périodes. Ensuite de ça, le match a tourné à leur faveur 4-3. Okay. Il a fallu s'ajuster. Et, je m'en attendais un petit peu parce que les gens m'ont coupé un petit peu en troisième. Sauf que, ces gars-là, Danny, ils sont regardés aussi. Parce que des fois, ils jouent beaucoup dans les ligues de garage. Ouais. Fait qu'ils ont l'occasion de jouer. Que pour la forme, c'est certain qu'on n'est pas top niveau comme on dit. Mais non, c'est normal. Puis, moi, mon but, c'est d'amener justement les gars en forme au dernier match de la saison pour avoir le pic d'émotion puis le pic de conditionnement physique pour les séries. Comme à tous les mercredis, je vais vous donner le classement POC. C'est un site internet qui définit le classement des équipes double lettre de la région. Et d'abord, on retrouve au niveau du Marcos Pub de Saint-Félicien, c'est au niveau midget. Ils occupent le 6e rang. Les Ambassadeurs de Chibougamau au 17e rang. Et les Castors de Dolbeau sont au 83e rang. Niveau Bantam, les Ambassadeurs de Chibougamau sont au 9e rang. Les Hurricanes de Massouillache au 24e rang. Les Rapides de Boumissassini sont au 70e rang. Et au niveau junior, les Éperviers de Normandin sont au 12e rang. Et les Sabres de Roberval sont au 45e rang. Et il y avait des matchs dans la Ligue midget. Midget qui se déroulait en fin de semaine. Et les Épreuves du Lac-Saint-Jean-Nord contre Saint-Félicien, c'était un verdict nul de 4-4. Et maintenant, victoire de Normandin 10-0 contre Saint-Félicien dans le Midget B. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé justement avec Gino Gagnon, l'instructeur du MGR Express de Saint-Félicien. Éric Fichaud, qui va avoir son chandail retiré le 20 janvier prochain, va venir nous parler de ses meilleurs souvenirs avec les Saguenay de Chicoutimi. Et compétition de patinage de vitesse sur courte piste qui s'est déroulée en fin de semaine à Chicoutimi. David Simard vient analyser le tout pour nous. Le sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.